J'étais l'Afrique, maman nous. Sous les années qu'on chantait, sous les années qu'on dansait, dans nos patronnes, ça qui t'attend nous. Les colonios débarquaient nous. C'était la nuit, ils te fait fouiller. Sous les années vint par nous, yo te fait nous travailler, dans nos patronnes, ça qui t'attend nous. C'est chanter, on va se passer la paix. Nos pas te comprendre, ça qui t'attend nous. Mais yon bonjour, t'es bien levé. Esclaves, yon vie, pas révolté. Vivez, t'es yon tap cherché, t'es yon défin pas trouvé. Où t'es capable, vivre sans inquiétude. paradis. C'était l'Afrique, maman nous. Sous des salves qu'on chantait, sous des salves qu'on dansait, sans nous pas connaître, ça qui tape nous. Les colonios débarquaient nous. C'était la nuit qui te fait fouiller. Sous des sacs de vie par nous, y'a des pères nous travaillent, sans nous pas connaître, ça qui tape nous.